Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette petite vidéo concernant la fameuse pleine lune du dimanche 21 juillet à 10h18 GMT, c'est-à-dire plus ou moins à midi 18 en France. Elle va se produire à 29 degrés du signe du Capricorne, donc en toute fin du signe du Capricorne. Alors, quand on a une pleine lune en Capricorne, eh bien, comme je vous l'ai déjà expliqué, le soleil, il est en face, il est en cancer, et vous avez la lune sur le zodiaque, au même degré près, juste en face, en Capricorne. C'est donc en astrologie une opposition soleil-lune. Alors, souvent une pleine lune en Capricorne, eh bien, elle déclenche beaucoup, beaucoup d'émotions, et ces émotions, on a tendance, comme on est en Capricorne ici, à les refouler, à les freiner et à ne pas les exprimer. Et donc, c'est vrai qu'en même temps, du coup, eh bien, il est quand même essentiel de les écouter, il est quand même essentiel d'en avoir conscience et d'analyser ses sentiments, ses émotions pour mieux se comprendre soi-même. Alors, c'est vrai que c'est le moment normalement de réfléchir assez rationnellement, de peser le pour et le contre d'une situation avec le calme, le plus de calme possible et d'objectivité. Donc, la pleine lune en Capricorne, elle met en lumière nos aspirations plutôt socio-professionnelles et elle nous incite surtout à nous recentrer sur nos objectifs. Ici, plus particulièrement, elle est assez sympathique, celle du 21 juillet, cette pleine lune en Capricorne, parce qu'elle est bien reliée à la fois à Mars, à Pluton et à Neptune. Et donc ici, on devrait normalement se fier à la fois à son analyse logique et en même temps à son intuition pour juger d'une situation sans se tromper. C'est donc le moment de quoi ? C'est le moment d'agir, de faire des choix. Mais attention, pas d'agir précipitamment sur un coup de tête. Donc, on parle ici, on est en Capricorne, on parle bien de choix réfléchis, de choix qui se font à tête reposée, après une analyse profonde de votre situation. Et si vous n'avez pas vraiment tous les éléments en main au moment de cette pleine lune, eh bien c'est le moment de creuser davantage votre analyse, de rassembler les éléments pour ne pas vous tromper dans vos choix ou dans vos projets justement. Donc en bref, le conseil de cette pleine lune c'est quoi? Eh bien ne vous endormez pas, ça c'est pas le moment, même s'il fait chaud et que vous êtes au soleil sur une carpette, eh bien rentrez, faites le point, c'est le moment en tout cas de bouger, c'est le moment de vous remuer mais intelligemment, avec méthode. Donc, rassemblez tous les éléments nécessaires, les informations que vous avez, renseignez-vous si besoin, démarchez, renseignez-vous pour faire un choix important ou pour tout simplement progresser dans un projet qui vous importe. Donc, vous pourrez ainsi vraiment agir efficacement et mener votre navire à bon port. En tout cas, je vous souhaite une belle pleine lune !